Chapitre 19e. Bandit contre bandit. L'illustre Perpignan, ayant revêtu un costume convenable et faisant plaide d'un haut de forme à reflets, se présenta chez le comte de Saint-Rion à l'heure convenue, un monocle à cercle doré dans l'œil. Clouteau l'attendait non sans impatience. Dès que Bouchancœur fut introduit dans le salon et que sur lui la porte fut avec précaution fermée, le comte entra aussitôt dans le sujet. « Tu m'as dit hier que tu pouvais me donner des nouvelles de Paulette ?»« Parfaitement. C'est une jeune personne charmante, délicieuse, qui devenant ta fille te fera le plus grand honneur. Es-tu certain que c'est bien Paulette ? Si ce n'était pas elle, je ne t'en parlerai pas. D'ailleurs, pas moyen de s'y tromper. Paulette ressemble en tout point à sa mère, impossible de la renier. Elle est chez toi, tu sauras cela plus tard. Enfin, comment prouver que c'est bien Paulette ? Affirmations, serments, ressemblances ne suffisent pas aux yeux des gens de loi. » Nous avons autre chose. Tu n'ignores pas que Paulette a été arrachée aux flammes par une paysanne inconnue dans le pays et qu'on n'a jamais revue. C'est ton épouse Zélie, fit Clouteau. La belle bourbonnaise, parfaitement, répondit l'illustre Perpignan. Elle pourra prouver que c'est bien elle, qui emmenait Paulette en donnant des détails que connaît également la brave femme qui l'emmena dans sa voiture jusqu'à la gare de Mantes. Bon, c'est déjà quelque chose, mais on demandera pourquoi ce rapt. Pourquoi la belle bourbonnaise n'a pas révélé l'enlèvement de la fillette? Pourquoi elle l'a gardée jusqu'à présent? La réponse est prête. La belle bourbonnaise a été affolée par mon arrestation. Elle déclara avoir eu peur de partager mon sort. Elle s'est tue par prudence. Aujourd'hui, la prescription est acquise. Elle ne craint rien. Elle rend l'enfant. Rien de plus logique. Mais si on ne se contente pas de ces explications, nous fournirons des pièces irréfutables, des papiers, des actes authentiques, des portraits devant lesquels on s'inclinera. Jusqu'au double du testament de la marraine. « Oh, mais alors !» s'écria Clouteau. « C'est parfait, c'est admirable, c'est... »« La fortune, oui, je le sais. » Le comte tendit les mains à son ancien complice. « Ce bon Perpignan, mon brave Bouchancœur, bah, cher ami !»« Oui, oui, » maugréa le banquiste, « ce cher ami, ce bon Perpignan, cette bonne bête. Viens, allons chercher Paulette, ma fille, » fit Clouteau voulant l'entraîner. « Quand nous aurons signé ?» dit Perpignan en le retenant. « Signé ?» demanda Clouteau. « Signé quoi ?»« Le petit contrat, le bon traité, un contrat, sur papier timbré, fixant ma part dans l'héritage que tu vas toucher. »« À quoi bon écrire ces choses-là? Les écrits sont dangereux, tandis que ma parole. »« J'aime mieux un sale papier timbré qu'une brillante parole, même d'un gentilhomme comme toi. »« Eh bien, nous ferons cet écrit puisque tu y tiens, mais une autre fois, demain. »« Maintenant, allons retrouver Paulette. » Bouchancœur retint encore Clouteau en disant « J'ai apporté le traité déjà écrit. Nous avons rédigé cela tous deux, moi et Zélie, qui s'y entend bien en affaires. Voyons, qu'est-ce que tu demandes? La moitié des millions dont tu auras la gestion, la moitié de ce que tu toucheras dans l'héritage qui revient à Paulette. » Le comte sursauta. « C'est fou, c'est archi fou. Pas à mon avis. La moitié, pas un sou de moins. » Clouteau voulut se débattre devant ses exigences. « Remarque, dit Bouchancœur, que je suis bon prince. Tu avais toi-même, au début de cette affaire, un peu avant l'incendie de la tilleuse, fixé les parts de chacun de nous à un tiers. Tu n'aurais droit qu'à un tiers. Zélie et moi aux deux autres tiers. Mais je suis large en affaires, nullement intéressé. Je ne te demanderai que la moitié. » Pour la première fois, peut-être, Zygomar se sentait pris dans l'engrenage. En lui bouillonnait une colère sourde, effroyable, contre cet homme, ce maître chanteur. Mais il dissimulait sa rage sous un sourire qui était plutôt un rictus et auquel l'illustre Perpignan ne se trompait nullement. « Mon cher, reprit Bouchancœur, tu as eu la partie trop belle avec moi jusqu'ici. C'est bien mon tour, voyons. Mais attends. Après l'assassinat du comte de Saint-Rion, tu nous entraînes à la tilleuse, où tu fais un coup de zygomard en mettant le feu à la ferme, comptant nous griller, nous, tes amis, avec le corps du comte. Zélie, qui est une sentimentale, se conduit dans cette affaire comme un prix Montyon, et elle sauve la fillette de Madeleine Marnier, pendant que le sergent Jacques Dalmet arracha la mort horrible, Madeleine Marnier elle-même. L'illustre Perpignan ajouta alors, « Donc, Clouteau, à force de vouloir être plus malin que notre maître Zygomar, a commis une énorme sottise. « Comment cela ? » fit Clouteau énervé. « Faire disparaître le corps du véritable comte pour se mettre à sa place était très bien. » Profiter d'une ressemblance assez marquée, c'était parfait. Devenir le comte dont tu avais, bon Alexandre, pris à son service en Amérique, les habitudes, les gestes, appris les secrets, tout le nécessaire, c'était admirable. Ça a d'ailleurs réussi. J'ai reconnu là ton adresse, ton intelligence, ton savoir-faire merveilleux. J'ai crié « Bravo, Zygomar !» Mais l'incendie était de trop, car il t'a fait manquer Madeleine et Paulette. Clouto frappa rageusement du poing sur un meuble. À cause de ta zélie, de ta belle bourbonnaise, du diable qui a emporté l'enfant, qui l'a gardé, Bouche-en-Cœur ricana. Si au moment de l'incendie, tu t'étais occupé de tes compagnons, si tu ne les avais pas abandonnés, en les laissant se débrouiller comme ils pourraient, ou tout simplement rôtir, tu aurais eu Paulette. Si tu ne l'as pas eu, c'est de ta faute. Je devais absolument prendre la fuite pour établir mon alibi, sans cela tout était perdu. Dans ce cas, on prévient les camarades, on s'entend avec eux, et on ne cherche pas à les planter là pour tirer soi-même tout le bénéfice. L'illustre Perpignan voyait que son ancien complice était là, devant lui extrêmement embarrassé. Il en profitait. « Bref, reprit-il, si tu as eu la fortune du comte de Saint-Rion, ses revenus des usines d'Amérique, ce qui est déjà gentil, tu as perdu la fortune de Madeleine Marnier, la femme du comte, et surtout la fortune de la fille de Madeleine, cette exquise Paulette. Fortune se montant à plusieurs millions, laissée en héritage par cette excellente marraine, Madame Berton. Mais à présent, nous allons pouvoir rattraper le temps et l'argent perdu, puisque tu as Paulette. Un mot encore. Quand on m'a arrêté, on a trouvé sur moi une montre appartenant aux gens de la tilleuse. J'étais condamné. Pourquoi voler cette montre? Tu es incorrigible, mon cher. Mais si j'avais été comme toi, un mauvais camarade, j'aurais pu à ce moment te causer quelque ennui, me venger. Comment? Rien de plus facile pour moi que de dire, quand le comte de Saint-Rion s'est présenté devant le tribunal, quand j'ai reconnu qui était ce comte, de révéler que ce n'était là que Clouto. Tu t'accusais toi-même, tu te condamnais. En tout cas, je me vengeais, et de belle façon. C'était fou. Avoue qu'à ce moment, tu n'en menais pas large, mon garçon, et que tu avais rudement peur de m'avoir mangé le morceau. J'ai eu, mon cher, c'est le cas de le dire, ta tête dans mes mains. Puis l'illustre Perpignan, ayant savouré son triomphe, reprit. Je ne l'ai pas fait, parce que je me suis dit qu'il valait mieux me taire, et qu'en cette occasion, plus qu'en toute autre, le silence était d'or, et que Zygomar ne m'oublierait pas. Je n'avais que quelques années à tirer. J'en verrai bien la fin. Alors je saurai retrouver mon ami Clouto, le comte de Saint-Rion, et en parfait gentilhomme. Cet ami saurait réparer sa négligence. Combien veux-tu? Voyons, quelle mémoire de lièvre! C'est déjà entendu, la moitié. Les papiers sont prêts, les actes parfaitement en règle, ils ont été établis par un camarade de banque, ancien notaire, qui a mal tourné, et qui chez nous fait l'aboyeur. C'est au point de vue de la loi, absolument inattaquable. Clouto répondit. Tu me laisseras les papiers. J'ai besoin de les étudier. Reviens demain. Non, mon cher, non. Lis-les, si tu veux, maintenant, mais je ne m'en irai qu'avec ta signature. Le comte de Saint-Rion prit le papier timbré que lui tendait l'illustre Perpignan, le parcourut, l'étudia. Mais mon cher, s'écria-t-il, tu m'étrangles. Clouto hésita un moment. Il se promena dans la pièce, roulant ses pensées, réfléchissant. Bouche-en-Cœur, enfoncé dans un fauteuil, suivait Clouto du coin de l'œil, de son monocle, et souriait, certain de la victoire. Enfin, Clouto, ayant probablement trouvé la solution qu'il cherchait, revint à la table sur laquelle il avait déposé les papiers. « Au fait, » dit-il d'un ton conciliant, « tu as raison, mon cher, je signe. » Le comte apposa sa signature au bas des papiers et le remit à Bouche-en-Cœur, qui examina le paraphe, puis plia lentement le document et le mit dans sa poche. « C'est bien. » « C'est parfait. Me voilà donc en règle. Les bons comptes font les bons amis. » Il ajouta. « Maintenant, je dois te dire, simplement à titre de divertissement amical, que ce document va être déposé en lieu sûr. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que tu as signé ce papier en pensant, très naturellement, quand j'aurai signé, quand j'aurai Paulette, je saurai m'arranger pour ne rien donner à Perpignan, pour faire disparaître à jamais cet homme illustre. Je te donne ma parole. Merci. Tu as pu me rouler deux fois. » Tu ne me rouleras pas trois. Donc, ce papier, auquel sera joint un commentaire expliquant pourquoi le comte de Saint-Rion a signé cette reconnaissance à M. Perpignan, sera déposé en lieu sûr. Et s'il m'arrive un accident qui te ferait toucher seul cet argent, si je venais à disparaître, ces petits papiers, le lendemain, seraient communiqués à qui de droit? Ce qui de droit est le procureur de la République, cet excellent M. Duranton, que tu connais déjà. Clouto rageait. Il comprenait que son complice le tenait, qu'il était tombé dans le chantage absolu et que Perpignan et Zélie allaient l'exploiter, le mettre en coupe réglée. Cependant, Zygomar espérait quand même s'en tirer à son avantage et s'arranger à rouler malgré tout son complice, son créancier. Vivement alors, il dit « Maintenant que nous voilà bien d'accord, allons chercher Paulette. Je veux voir Paulette. Demain, mon cher, déclara l'illustre Perpignan, demain tu l'auras. Pourquoi pas aujourd'hui? Pour des raisons que je sais. Demain. » Clouteau pensa tout à coup que son complice venait de le rouler, qu'il emportait sa signature, le livre en lui, Clouteau, à la merci de bouche en cœur, au chantage, et que Perpignan et Zélie n'avaient ni Paulette ni aucun document. Alors, pris de fureur, il sauta sur le banquiste. « Tu es un menteur, s'écria-t-il, tu me voles, rends-moi ces papiers. À ça, tu perds la raison. Tu cries à faire venir tes gens, à faire connaître ta bataille, ce que nous donne un secret. Du calme, mon vieux, du calme. Je veux voir Paulette. » dit Clouteau avec fureur. « Je veux voir Paulette !»« Eh bien, tu la verras. Aujourd'hui, non. Demain, inutile d'insister, demain. Alors rends-moi le papier, rends-moi ma signature !» L'illustre Perpignan se mit à rire. « Monsieur le comte plaisante. J'aurais attendu pour le bon plaisir, alors ?» Cependant, il ajouta. « Mon vieux Clouteau, soyons raisonnables. J'ai ta signature et tu as peur que je te fasse chanter. Vraiment, la belle chanson que nous entendrions. Je connais ta situation, tu n'as pas le sou, ou à peu près, quel bénéfice pour moi. Tandis que demain, tu pourras entonner un morceau magnifique, un grand air, un grand orchestre de millions. C'est le refrain de cette chanson qui seulement m'intéresse. Tu comprends? Allons, calme-toi. Je suis ici pour la grosse affaire, non pas pour des bêtises. Demain, tu verras Paulette. » Le comte se calma enfin. Alors Perpignan lui dit, « Maintenant, il faut organiser cette entrevue. » « Qu'entends-tu par là ?» demanda le comte, avec inquiétude. « Mon cher, nous ne pouvons, Zélie et moi, demain, nous présenter chez toi dans un costume pareil, sans attirer l'attention de tout le quartier et susciter les cancans de toutes les commères du voisinage. Il faut que nous soyons présentables pour te présenter ta fille. » Clouteau comprit. Le chantage commençait. « Voyons, combien veux-tu aujourd'hui ? Pour aller jusqu'à demain, Zélie et moi, voyons, 2000 francs. Tu es fou, 2000 francs ? Nous avons d'énormes frais. » Le comte s'exécuta, ne pouvant faire autrement. Il donna cet argent au banquiste, qui alors salua largement et prit congé. « À demain, monsieur le comte, à demain. J'aurai cet honneur de conduire auprès de vous, mademoiselle Paulette, votre fille. » Bouchancœur vint retrouver la belle bourbonnaise qui l'attendait, comme toujours, au débit de vin. L'illustre Perpignan fit à son épouse le récit de la scène qui venait de se dérouler chez le comte et lui apprit qu'il avait pu lui soutirer de l'argent. Chez la belle bourbonnaise, la coquetterie reparut aussitôt. « Il faut nous habiller convenablement, » dit-elle. Cela voulait dire qu'elle désirait se panacher comme autrefois. Mais Perpignan comprenait aussi que vraiment, pour tenter le coup projeté, il leur fallait, à Zélie et à lui, une toute autre tenue que celle qu'ils avaient en ce moment. Ils se rendirent dans un magasin où, non sans peine, ils trouvèrent l'un et l'autre des habits pour entaler à leur singulière carrure. On dut pourtant leur donner des vêtements de différents modèles. De la sorte, rien ne tenait, rien ne concordait. Ils eurent un costume fait de pièces disparates, jurant entre elles, de tons criards, de coupes invraisemblables. Mais la belle bourbonnaise, plus il y avait de couleurs, de fruits, de plumes et de fanfreluches, plus elle trouvait cela à son goût et à la dernière mode. Quant à Perpignan, on lui découvrit une redingote réclame. Il s'en déclara enchanté, car au-dessus du pantalon, sous la redingote, s'épanouissait un gilet à fleurs sous lequel il put étaler une énorme chaîne de montre. Puis, coiffé d'un chapeau de forme superbe, il fit, donnant le bras à son épouse, une apparition sensationnelle dans la rue. « On nous admire !» déclara la belle bourbonnaise avec conviction. L'illustre Perpignan approuva. « Maintenant, dit-il, allons chercher Paulette. »